Du 3 au 5 septembre, les masses médias de divers pays ont rapporté les réponses du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères, données aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, à propos des informations sur la navigation des sous-marins nucléaires américains dans les eaux voisines du territoire de la République populaire démocratique de Corée. Ce sont l'agence de presse russe TASS, le journal iranien Kayhan International, les agences de presse d'internet mauritaniennes Anba Al-Watan et Irshad, ainsi que la page d'internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et la page d'internet polonais République populaire démocratique de Corée.